Michel Zévaco, La Marquise de Pompadour. Chapitre 1. Nous n'irons plus au bois. Lumineux et clair, cet après-midi d'octobre 1744 semblait une fête du ciel, avec ses vols d'oiseaux au long des haies, ses légers nuages blancs voguant dans l'immensité bleuâtre, son joli poudroiement de rayons d'or dans l'air pur où se balançaient des parfums et des frissons d'automne. Sur le chemin de mousses et de feuilles qui allait de l'Ermitage à Versailles, des humbles chaumières aux majestueux colosses de pierre, un cavalier s'en venait au petit pas, reine flottante aux caprices de son alezan, nerveux et souple. Le chapeau crânement posé de côté sur le catogan, la fine rapière au flanc de sa bête, svelte, élégant, tout jeune, 20 ans à peine, la figure empreinte d'une insouciante audace, la lèvre malicieuse et l'œil ardent, il souriait au soleil qui, par-delà les frondaisons empourprées, descendait vers des horizons d'azur soyeux. Il souriait à la belle forêt vêtue de son automnale magnificence. Il souriait à la fille qui passait, à corte, aux paysans qui fredonnaient. Il se souriait à lui-même, à la vie, à ses rêves. Devant lui, à un millier de pas, cheminait un piéton, son bâton d'épine à la main. L'homme était poudreux, déchiré. Il marchait depuis le matin, venant on ne sait d'où, de très loin sans doute, allant peut-être vers de redoutables destinées. Près de l'étang, le piéton s'arrêta soudain. C'était sous ses yeux, dans le rayonnement de la clairière, dans le prestigieux décor de ce coin de forêt, une vision de charme et de grâce. Une jeune fille, une exquise merveille, mince, flexible, harmonieuse, teint de nacre et de rose, opulente chevelure nuageuse, suprêmement jolie dans sa robe à paniers de satin rose brochée de fleurettes roses, le gros bouquet de roses fixé au corsage, un vivant pastel. Elle riait aux éclats, penchée vers une dizaine de fillettes qui, tabliées en désordre, frimousses et bourriffées, l'entouraient, tapageuses, fringantes, et elle disait « Oh, les insatiables gamines! Déjà le démon de la danse les mène! Comment, mesdemoiselles, vous voulez encore une ronde ?»« Oui, oui, Jeanne, chère Jeanne, encore une ronde !»« Soit donc, en voici une que, pour vous, j'ai composée hier sur mon chemin. » Et, tandis que les petites se prenaient par la main, elle, d'une voix mélodique et pénétrante, chanta ceci. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà, l'allerons-nous danser. Alors, sur la tant jolie ritournelle, dont 150 années n'ont pas épuisé la vogue enfantine, la ronde, parmi les rires cristallins, se développa au bord de l'étang moiré. Là-bas, sur le chemin feuillu, moussu, venait insoucieusement le jeune cavalier. L'allerons-nous danser, entrez dans la danse, voyez comme on danse. La ronde tout à coup s'effaroucha. Les rires se glacèrent sur les lèvres mutines. Le piéton poudreux sortait de son fourré, lui. Il s'approchait à pas lents et s'arrêtait, énigmatique silhouette silencieuse, près de celle que les gamines appelaient Jeanne, chère Jeanne. Souriante, sans peur devant l'imprévue apparition, elle demanda doucement « Que voulez-vous ?» L'homme s'éveilla de son extase admirative. Il balbutia. « Pardon, excusez, où est-on ici ?»« Vous êtes sur le terroir de l'Ermitage. Voici la clairière et voilà l'étang. Ici finit le parc royal de Versailles et là commencent les bois. Le château, est-ce loin ?» « Par là, voyez-vous » dit-elle, le bras étendu dans un geste de nymphe sylvestre. Dans le lointain des sous-bois, le cor se fit entendre, une meute donna de la voix. « Quelle est belle !» murmurait le piéton. « Excusez encore, pouvez-vous me dire, le roi est-il au château ?» elle demeura interdite, pâlissante. Et, pensive, dans un souffle de rêve, elle répéta « Le roi ?»« Oui, Louis XV. Savez-vous s'il est au château ?»« Non, je ne sais pas. » »« Pauvre homme, comme vous avez l'air malheureux et si fatigué !»« Fatigué, oui, et malheureux, réellement malheureux. » Oh, attendez, il faut que je vous porte bonheur. » Légère comme une biche, elle s'élança. À 20 pas, sous un hêtre, 2 femmes se reposaient. L'une blonde et frêle, l'autre vigoureuse, plantureuse, coupe rosée, qui se mit à crier. « Jeanne, Jeanne, pourquoi courir ainsi, mon enfant? Te voilà en nage, tu t'abîmes le teint et tu te décoiffes. » Sans répondre, Jeanne s'empara d'une aumônière, jetée sur l'herbe près des écharpes. Elle y puisa un louis et, toujours courant, revint au piéton. À ce moment, le son du cor se rapprocha, sonnant la vue et le bien-aller. À ce moment, aussi, débouchait sur la clairière le jeune cavalier à la fine rapière, tandis qu'un chasseur, trompe en sautoir, couteau à la ceinture, contournait l'étang au galop de son cheval blanc d'écume. « Tenez, prenez !» dit Jeanne, câline et douce. « Je ne demande pas l'aumône !» répondit le piéton sourdement. « Oh ! » fit-elle la voix émue. « Vous voulez donc me faire de la peine ?» L'homme, farouche, hésita, trembla. Puis, lentement, sa main s'ouvrit. Jeanne y glissa la pièce d'or. Alors, elle battit des mains gaiement. Mais comme l'inconnu demeurait immobile et sombre, elle reprit gravement. « Je crois que je pourrais vous être utile, si vous vouliez me confier votre nom. » L'homme eut un sursaut, un étrange regard, puis il murmura. « Je m'appelle François Damien. » Le chasseur, à cet instant, arrivé sur le groupe, arrêtait son cheval d'une secousse et, le ton bref, la voix dure, il laissait tomber cet ordre. « Hola, Manon, il faut en aller d'ici !»« Vous aussi, petite, vous aussi, madame !» Jeanne se retourna, toisa le chasseur avec une moue d'exquise impertinence et partit d'un rire clair. « Monsieur, vous tenez mal votre trompe de chasse. C'est une faute, cela. Elle me prouverait que vous n'êtes pas gentilhomme s'il était besoin de le prouver. »« Madame !» gronda le chasseur, devenu blanc de colère. « Allez, monsieur, allez demander à monsieur de Dampierre une leçon de vénerie et à tout Français que vous rencontrerez une leçon de politesse. Cela fait, vous reviendrez. » Elle pirouetta sur les hauts talons de ses souliers de satin rose. Livide, le chasseur poussa son cheval. Il allait l'atteindre, la renverser. Les enfants crièrent. Le cheminot serra son bâton d'épine dans la main. Il eut un grondement, leva sa trique, mais avant qu'elle se fût abattue, le cheval du chasseur reculait soudain. Le jeune cavalier qui venait d'entrer dans la clairière, d'un bond furieux, s'était placé entre la jeune fille et le chasseur et avait saisi la bride qu'il secoua violemment. En même temps, sa voix éclatait, vibrante. « Par la mordieu, monsieur, êtes-vous donc enragé ?» Poitrail contre poitrail, les deux bêtes piaffaient, hennissaient. Regard contre regard, les deux hommes se menaçaient. « Ah, ça !» continuait le jeune inconnu. « On insulte donc les femmes par ici ?» Le chasseur jeta un juron, mais se calmant aussitôt, « Prenez garde, monsieur » dit-il avec une glaciale politesse. « Prenez garde ! Je fais ici mon service qui est de déblayer le chemin de la chasse. Et moi ?» « Je fais le mien qui est de courir sud au malotru. »« Prenez garde, vous dis-je. »« Quand vous seriez le grand veneur en personne, arrière, monsieur, arrière !» Le chasseur porta violemment la main à son côté et s'apercevant alors qu'un couteau remplaçait son épée absente. « C'est bon » gronda-t-il, la moustache hérissée. « Nous nous retrouverons, mon jeune Don Quichotte, si toutefois on vous trouve. » « Vous allez vous faire couper les oreilles, monsieur l'écraseur de femmes. On me trouve toujours quand on me cherche, et même quand on ne me cherche pas. »« Votre nom, alors ?» rugit le chasseur. « Le vôtre, s'il vous plaît. Comte du Barry, écuyer servant de Sa Majesté. Et moi, chevalier d'Assas, cornette au régiment d'Auvergne, en congé régulier, se rendant à Paris, rue Saint-Honoré, à l'enseigne des Trois Dauphins, où il sera demain et les jours suivants, pour y attendre d'être pourfendu par Monsieur le Comte du Barry. » « C'est bon, chevalier d'Assas, vous n'attendrez pas longtemps, » bégaya le chasseur, ivre de rage. « Et vous, madame, vous aurez de mes nouvelles. »« Ce me sera grand honneur » dit-elle en éclatant de son rire clair d'une si jolie impertinence. Le comte esquissa un geste de menace, tourna bride et, à fond de train, s'enfonça dans le sous-bois vers le son des cors. Pendant cette algarade, le cheminot poudreux, l'homme qui avait dit s'appelait François Damien, s'était écarté sous une haie hêtrée. Là, il s'arrêtait, contemplant de loin la jeune fille en rose, et murmurait encore « Qu'elle est belle !» Le chevalier d'Assas mit pied à terre et s'inclina devant Jeanne. « Madame, dit-il, je vous supplie de faire état de moi. Quoi qu'il advienne, soyez rassurée. Cet insolent gentilhomme sera châtié, je vous le jure. » Et, comme il se redressait, il demeura frappé d'admiration, comme si, à cet instant seulement, il eût bien vu quelle adorable créature se trouvait devant lui. Il fut troublé jusqu'au fond de l'être, et son jeune cœur se mit à battre plus fort. Et il semblait qu'un génial artiste les eût ainsi campés l'un devant l'autre, si beaux tous les deux, si parfaitement gracieux, pareils à deux biscuits de Saxe, se souriant et s'admirant, lui, enivré, elle, ingénument coquette, doucement remuée par ce naïf et pur hommage d'un amour qui éclatait avec la fougue imprévue, foudroyante, irrésistible, des grandes passions. Promptement, elle se remit et gazouilla. « Oh, chevalier, comment vous remercier ?»« Je suis trop remerciée, madame, bénie à jamais et cette minute où je vous ai vue. » « Vous ne vous battrez pas, dites. Oh, dites !»« Ah, madame, que me demandez-vous là? Dussé-je affronter 1000 morts ?»« Oh, si vous alliez être blessée, blessée pour moi !» Et il y avait plus de curiosité gentille que de réelle inquiétude dans son regard pur et moqueur. Mais lui, ah, lui tremblait légèrement. Il était pâle. Des choses inconnues se heurtaient violemment au fond de son cœur. L'amour l'envahissait. Sincère ? Ah, certes, sincère jusqu'au plus secret de ses fibres. Quoi ? Une passion si rapide ? Le savait-il seulement ? Savait-il ce qui se passait dans son âme ardente, fougueuse, prompte à se donner, sans calcul, sans restriction ? Il bégaya, mesurant à peine ce qu'il disait, étonné de sa propre audace. Blessée pour vous? Que serait une blessure quand mon rêve maintenant sera de mourir pour vous, avec l'intense volupté de savoir ou d'espérer que peut-être vous me pleurerez? Taisez-vous, oh, taisez-vous, sourit-elle, émue pourtant. Me taire, lorsqu'une céleste harmonie monte à mes lèvres, lorsque tout chante en moi, que ma tête s'embrase. Oh, pardonnez, pardonnez un pauvre fou. Pardonnez, vous que je ne connais pas et qu'il me semble connaître depuis des siècles. Taisez-vous, reprit-elle rapidement. Voici qu'on vient. Écoutez, chevalier, nous demeurons, ma mère et moi, à Paris, rue des Bons-Enfants, en face à l'hôtel d'Argenson. Et maintenant, partez de grâce, partez! Elle tendit sa main gantée de blanc. Le chevalier la saisit, appuya ses lèvres sur le bout des doigts effilés, et la sensation de ce baiser fut une sensation de vertige. Lorsqu'il se redressa, il vit Jeanne qui s'élançait au-devant des deux femmes. Alors il sauta en selle et, rendant la main, bouleversé par l'immense et soudain événement qui venait de se produire dans sa vie, divin bonheur ou suprême catastrophe, il se rua dans un galop insensé avec l'envie folle de crier, de pleurer, de rire, de chanter. Jeanne, déjà pour cacher son trouble peut-être, ou peut-être parce que cet incident avait glissé sur elle sans la toucher au cœur, Jeanne, souriante comme si rien ne se fût passé, avait repris les fillettes par la main. De nouveau, la ronde enfantine s'égayait au long de l'étang, et la voix pure de la jeune fille chantait, mais avec un éclat plus fiévreux. Mais les lauriers du bois, les lairons nous fanés, n'ont chacune à son tour, ira les ramasser. De plus en plus, le son du cor se rapprochait de l'étang moiré par les brises qui courbaient doucement les roseaux. Des galops retentissaient sous bois. Des chevreuils, des faons, des biches s'enfuyaient effarés. Si la cigale y dort, ne faut pas la blesser, le chant du rossignol la viendra réveiller. Sautez, dansez, embrassez qui vous aimez. Brusquement, Jeanne s'arrêta, le sein oppressé, les yeux voilés de larmes brillantes. Embrassez qui vous aimez, murmura-t-elle. Hélas, où est-il celui que j'aime? Où est le prince charmant qu'attend mon âme prisonnière? La chasse! Voici la chasse! Cria à ce moment la matrone au teint couperosé. Jeanne, regarde! Voici le cerf à l'eau! Regarde donc, mon enfant! Et s'adressant à la femme frêle et blonde qui l'accompagnait, à voix basse et rapide. Retirons-nous un peu, chère madame du Haussé. Pour ce qui va peut-être se passer ici, nous serions de trop. Que va-t-il donc se passer, chère madame Poisson ? Madame Poisson jeta un regard trouble sur sa compagne, et elle murmura : Rien, non, rien, ne nous montrons pas. Attendons, espérons. Voici la chasse du roi. Jeanne avait fixé ses yeux sur l'étang. La clairière s'emplissait du bruit des cors sonnant le ballot, du hennissement des chevaux, des appels de piqueurs, des voix de la meute qui, tout entière, s'était jetée à l'étang derrière l'animal de chasse. Et le dit corps, noblement, la tête haute, fendait les eaux. La foule des chasseurs, maintenant, cernait l'étang. Grands seigneurs sanglés, ceinturonnés, coquettes amazones en tricorne, piqueurs en habits bleus galonnés d'argent sur or, grands gilets écarlates, bottes à chaudron, et les taillots retentissaient, et tout ce monde brillant, pimpant, poudré, doré, coqueté, piaffé, caracolé. Toute pâlie, Jeanne regardait de ses yeux agrandis par l'angoisse. « Oh, la pauvre bête ! La pauvre bête !» Le noble Dicor venait droit sur elle, nageant avec une indéfinissable dignité, franchissait la ceinture de roseaux, sortait enfin de l'eau, faisait quelques pas et s'arrêtait près de Jeanne, exténuée par 4 heures de course éperdue, rendue, vaincue, la tête tournée vers les 80 chiens de la meute qui s'assirent dans le silence de la victoire, tenant la bête sous la menace de leur regard. L'instant fut tragique. Une poignante tristesse voila les yeux du cerf. Et de ses yeux, 2 grosses larmes coulèrent lentement. « Oh, la pauvre bête ! La pauvre bête !» balbutiait Jeanne, frissonnante de pitié. Les chasseurs, les corps, les chiens, tous se taisaient. C'était la minute solennelle, odieuse, impitoyable, qui précède la mort du cerf. « Dampierre, dit une voix, Lalali, du Barry, vous servirez la bête !» Jeanne étendit les mains vers celui qui venait de parler. Un grand seigneur, sans doute le maître de la chasse. Servir la bête, c'est-à-dire la tuer au couteau ? Oh non, non, elle ne pourrait voir cette chose affreuse. « Ah, monsieur, grâce pour lui ! Ne le tuez pas, monsieur !» s'écria-t-elle, toute palpitante d'émoi. Et comme elle levait les yeux vers le grand seigneur, elle se recula soudain, très pâle, porta la main à son cœur et, défaillante, murmura « Le roi ! Le roi ! Le roi !» En un clin d'œil, Louis XV sauta à bas de son cheval, saisit dans ses bras la jeune fille en s'écriant « Par le ciel, cette jolie enfant s'évanouit !» Jeanne, à demi pâmée, sa tête charmante retombée en arrière, entr'ouvrit les yeux. Elle se vit dans les bras de Louis XV et, frissonnante, éperdue, elle s'évanouit en murmurant tout bas au fond d'elle-même. « Dansez, sautez, embrassez qui vous aimez. Il est venu, celui que j'aime, le prince charmant de mon âme prisonnière, mon roi. » Ce fut un instant plus fugitif que la seconde qui meurt à peine éclose. Mais cette seconde fut un frémissement d'admiration chez ce connaisseur, cet adorateur de beauté, ce roi des élégances raffinées qu'était encore Louis XV. Une étrange émotion voila le clair reflet de ses yeux gris bleu pâle. Et déjà, l'exquise créature qu'il tenait dans ses bras s'éveillait comme d'un songe, se dégageait, confuse, troublée jusqu'au fond de sa pensée, balbutiait le même mot « Le roi ! Le roi !»« Pour vous, le premier gentilhomme du royaume, » dit vivement Louis XV, « ce qui signifie incapable de refuser une prière qui s'envolerait de lèvres aussi jolies. » Jeanne rougit. Son regard plana sur le cercle des cavaliers rangés autour d'elle et du roi, autour de la meute et du cerf immobile. Sur tous les visages d'hommes, elle lut à livre ouvert l'ironie outrageante. Dans tous les yeux des femmes, elle vit briller la jalousie et la rage. Toute la cour de France était là pour l'Alali et la curée. Toute cette cour la poignardait de ses regards aigus. Alors, comme pour répondre à l'envie déchaînée par une héroïque et charmante bravade, comme si elle eût déclaré la guerre à toute la seigneurie assemblée, d'un geste de défi, elle releva sa tête fine, posa sa main gantée sur l'encolure du cerf hypnotisé par les chiens et, esquissant une révérence que la première dame d'honneur eût jugée impeccable, « Sire, je ne suis qu'une petite fille et vous êtes un grand roi. Je vois ces nobles seigneurs qui brûlent de daguer la bête. Je vois ces dames de haut lignage qui attendent la curée. Sire, la petite fille, contre tant de pensées mortelles, vous demande une pensée vivante, humaine, la grâce de ce pauvre animal. » Un murmure gronda dans la clairière parmi les chasseurs. « Ceci est contraire à tous les usages de vénerie royale, » observa une voix âpre et rude déjà entendue. « Mordieu, songea le roi, cet enfant se tient comme une duchesse et parle comme un grand poète. » Et se tournant vers celui qui, d'un mot, venait de traduire la colère des courtisans, « Comte du Barry, sonnez la retraite » dit-il froidement. « Sire !» Louis XV foudroya le comte d'un de ses regards de suprême insolence qui lui tenait lieu de majesté. Du Barry, pâle, un éclair de fureur dans ses yeux fixés sur Jeanne, obéit alors, et sa fanfare éclata, se répercuta sous les futaies. « La branche !» commanda le roi. « Rappelle les chiens !»« Sire ! Sire !» murmurait Jeanne, extasiée, rayonnante de son triomphe. « Oh, merci !» Le premier piqueur, à l'appel de Louis XV, s'était élancé, faisait reculer la meute qui grondait, étonnée, mais obéissante avec cette passivité qui est l'intelligence des bêtes bien dressées. « Vous le voyez, madame ?» dit alors le roi. « J'ai voulu que le souvenir de notre rencontre ne vous fût pas désagréable. « Pour moi, » ajouta-t-il avec un sourire, « ce souvenir me demeurera comme un charme. » Et Jeanne, frémissante, éperdue, joignit les mains. « Jamais, sire, jamais cette minute de mon existence ne sortira de mon âme, jamais !» Louis XV tressaillit. Il eut comme une rapide hésitation. Puis, voyant tous les yeux dardés sur lui, il fit de la main un geste d'adieu et, s'élançant à cheval, s'éloigna au trot, suivi de ses piqueurs sonnant la retraite, de sa meute, de ses chasseurs et de ses amazones. En quelques instants, toute cette vision de brillante cavalcade s'évanouit sous les frondaisons empourprées. Jeanne était demeurée à la même place, une main sur son cœur, le regard attaché à l'élégant cavalier qui, là-bas, s'en était allé, suivi de ses dames et de ses seigneurs. Et lorsque Louis XV eut disparu, un long soupir fit palpiter son sein. Alors, elle se tourna vers le cerf que la fatigue paralysait encore, et, comme si son cœur eût contenu un trop-plein qui voulait déborder, nerveusement, elle entoura la tête de l'animal avec ses deux bras et, à pleine bouche, baisa brusquement le mufle gracieux du fauve. Quelques instants, le dit corps demeura tremblant sur ses jambes grêles, puis, voyant la clairière vide, souffla fortement, frappa du pied et, au pas, comme rassuré, s'en alla, se perdit au fond des bois. Au loin, les corps affaiblis apportaient un écho de retraite. Vers ces échos, vers la cavalcade disparue, Jeanne laissa s'envoler un baiser du bout de ses doigts. Et vers cette cavalcade aussi, ce fut un geste de menace implacable qui échappa à l'homme poudreux, au piéton déchiré, à François Damien, du fond du fourré où il s'était caché, d'où il avait assisté à toute cette scène et d'où, enfin, il s'éloignait à grands pas dans la direction du château. « Jeanne, Jeanne !» criait en accourant la femme au teint coupe rosé. « Il t'a parlé ? Que t'a-t-il dit ? Et toi, qu'as-tu répondu ? Mon Dieu, cher enfant ! Ah, c'est maintenant que je ne regrette pas tout ce que j'ai dépensé pour ton éducation. Voyons, parle-moi donc !»« Taisez-vous donc, poison, ma chère poison, taisez-vous !» Et Jeanne, exubérante, sous le coup de cette joie intense, inconnue, irrésistible, qui fait rire aux éclats et qui fait sangloter, Jeanne s'envolait en une course gracieuse, entraînait les fillettes, conduisait la ronde, follement, et, à pleine voix, le cœur battant, jetait aux échos sa triomphante ritournelle. Cigale aux mains, cigale allons, il faut chanter, car les lauriers des bois sont déjà repoussés. Comment, chère madame Poisson, observa discrètement la femme blonde, elle vous appelle Poison ? Un caprice de cette folle enfant, mais cela m'est bien égal. Ah, chère madame du Haussé, voilà une journée que je ne donnerai pas pour 1 million. Et monsieur de Tournehem, il n'arrive pas ? C'est pourtant à la clairière de l'Ermitage qu'il m'a donné rendez-vous, reprit madame Poisson radieuse. Mais qu'il vienne ou ne vienne pas, tant pis. Ah, que je suis heureuse ! Et Jeanne la bergère avec son blanc panier, allant cueillir la fraise et la fleur des glantiers. « Entrez dans la danse, voyez comme on danse. » Là-bas, la chanson de Jeanne éclatait, plus envolée, plus triomphale. La ronde quittait la clairière, s'enfonçait sous bois, et, tout à coup, un silence lourd, quelque chose comme un grand frisson d'angoisse sur toute cette joie. Là-bas, sous les buissons épineux, sous la jonchée de feuilles, perdue en ce coin de forêt, solitaire, déjà rongée par les mousses, apparaissait une grande dalle de marbre couchée à terre. Une tombe, oui, une tombe. Et sur cette tombe, un homme, debout, le front dans la main, les yeux voilés de larmes, une grande douleur sans doute. Et c'était contre ce marbre solitaire, contre cette tombe, contre cet homme, contre cette douleur, que la ronde exubérante, la joie fiévreuse de Jeanne, la folle chanson éperdue de bonheur venaient de se heurter, glacées soudain, les ailes brisées.